Chapitre 71 Petit Pousset. La rencontre est équilibrée, mais l'Olympique est plus chanceuse que l'Eiffel. Les trois seuls tirs cadrés de leur capitaine Totov 76 vont au fond des filets. Le match est malheureusement rapidement plié. Saint-Martin de Bocherville décroche son billet pour les demi-finales de la Coupe de France 2053. C'est la première fois qu'ils atteignent ce niveau de la compétition. Paris, tenant du titre, ne pourra pas défendre son titre. Il ne restera que la Ligue Iliade pour eux. Dans les autres rencontres, l'Absolu de Marseille a fait tomber la bouillante. Le Turbo de Nantes a été éliminé par l'Astro de Bastia. Il ne reste donc plus qu'un ticket à prendre, et cela va se jouer au tir au but entre l'Étoile lilloise et le dernier club amateur de l'édition 2053. Depuis l'arrivée d'Iliat et de la eSports Fédération en France, aucun non-franchisé n'avait passé les huitièmes de finale. Mais aujourd'hui, le modeste club de Lens peut faire tomber son voisin lillois. La rivalité est très loin depuis que la franchise lilloise s'est envolée, au nez et à la barbe de villes comme Lens et Béthune, qui avaient postulé au rachat par Danine. Ce soir, les sang et or peuvent prendre leur revanche. Pour cela, ils doivent gagner cette séance de tir au but. On parle de plus en plus d'un attaquant vedette dans cette équipe. Il est assez discret car le président Lensois souhaite mettre en avant son collectif. C'est pour cela que cet attaquant n'était même pas du voyage dans ce quart de finale. Sans lui, le club de 4e division amateur est arrivé à tenir le 0-0 contre l'Étoile lilloise qui pointe à la 5e place de la Ligue Iliade. Lens n'est que 12e de poule Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il y a un énorme gouffre entre les deux clubs, et pourtant Lille est en danger. Suite à cette séance, c'est la fête pour les nombreux supporters lensois ayant fait le déplacement dans la Danine Arena. Leur discret club ira en demi-finale de la Coupe de France. Ils peuvent affronter Marseille, Bastia ou Saint-Martin-de-Bocherville, ou plutôt les franchises de Pernod Richard, Sofran et Voelia. C'était inespéré pour eux. Les réseaux sociaux commencent à s'intéresser aux artésiens. Quelle est leur recette magique? Le club est composé de joueurs de l'agglomération lensoise. Un seul joueur est sudiste. Assez mystérieux, il se confie très peu. Son parcours ressemble au scénario d'un film qui a cartonné il y a 45 ans. Arrivé dans la région lensoise, lors d'une mutation il y a un an, il s'est totalement intégré au ch'ti. Repéré par le président Lensois, il a signé chez les Sang et Or quelques mois plus tard. Il est au club depuis 3 mois et a inscrit 9 buts. Joli bilan. Certains disent qu'il pourrait rejoindre une franchise, mais le principal intéressé ne veut pas faire du ballon rond son métier. Son pseudo de footballeur? Il est arrivé très facilement. Ses longs cheveux et sa grande barbe lui ont valu 2 surnoms. Jésus-Christ et Sébastien Chabal. Sa licence, il l'a signée au nom du célèbre rugbyman des années 2000. Appelé le @J Chabal, le prometteur joueur devrait participer à la demi-finale. Bonne nouvelle. Chapitre 72 Plan anti-riche. Mais comment va gérer le club lensois? Le tirage au sort leur a sorti la franchise normande avec une rencontre dans le Stade de France qui accueillera les 2 demi-finales. La préparation se fait sans pression, mais quand on interroge le préparateur physique cartésien, un seul nom sort de sa bouche, Totov 76. L'ancien joueur des Reds et international français fait office d'épouvantail. Il est la grande star de l'Olympique. Un plan anti-Totov 76 est mis en place, mais J. Chabal veut proposer une autre stratégie. Habituellement très discret, il est écouté comme le messie, car très respecté par ses coéquipiers. Le buteur lensois connaît les forces et faiblesses de l'ancien raid. Son discours, débité avec son accent du sud, est bu par ses coéquipiers. Les lensois sont prêts à bloquer Totov 76 et la franchise de Voelia. Mais comment J. Chabal connaît aussi bien l'international français? Quand les médias commencent à s'intéresser à lui, il refuse toute interview. Ses coéquipiers répondent pour lui, en indiquant qu'il est amoureux du football et qu'il connaît par cœur le jeu de ses idoles. La vérité pourrait être tout autre. le personnage de Jichabal intrigue les réseaux sociaux. Qui est-il? Pourquoi refuse-t-il les sorties médiatiques? Est-il si bon que ça? Pour balayer l'intérêt sur un seul joueur, le club lensois a décidé d'organiser une interview collective de ses joueurs via Twitter. Jichabal ne pouvait pas y participer car bloqué par son employeur. L'opération communication consiste à reporter la pression sur chacun des éléments. Stratégie payante? Les joueurs sont prêts à affronter l'Olympique au Stade de France. La pression est énorme, mais ils n'ont qu'une hâte, se défaire de cette franchise. Le challenge est à leur portée, ou pas? Jichabal était incertain pour la rencontre, mais il a su se ménager afin d'être à 100%. Cependant, la douleur dont il souffrait à la cuisse l'a relancé durant l'échauffement. À sa demande, il débutera le match sur le banc. Mauvaise nouvelle pour les Lensois. Cela pourrait coûter cher aux amateurs et l'espoir d'arracher un ticket pour la finale de Coupe de France s'éloigne. Mais il ne faut pas oublier que Lens a éliminé l'Étoile lilloise sans Jichabal. Un deuxième miracle peut bien arriver une nouvelle fois. Les Lensois vont penser à de grandes équipes généreuses, réalisant des exploits face à des clubs supérieurs. On pense à Calais, Quevilly, Guignon ou encore Montceau-les-Mines dans les années 2000, mais aussi à l'équipe de France au Mondial 2050. Depuis, le football français a perdu ce côté amateur et ses internationaux sont devenus des rockstars. La France fait désormais partie des 8 meilleures équipes nationales du monde. La Ligue Iliad est la 4e meilleure compétition de franchise. La France redevient un géant du football, mais cela n'empêche pas des équipes comme Lens de créer des exploits et montrer que les miracles, comme la génération de mars 2050 a pu le faire, est toujours d'actualité. La rencontre commence et Lens souffre énormément. On voit l'écart de classe entre les amateurs et les richissimes footballeurs. Lens joue son élément clé et ça se remarque. Jichabal est en train de bouillir sur le banc. Contrairement à son rival du soir, Lens a un entraîneur. Ils ne sont pas soumis au vote des abonnés VIP. C'est un avantage largement visible sur le terrain. Le coach n'hésite pas à pousser sa gueulante. Sa stratégie est soufflée à l'oreille par son attaquant star. C'est un véritable adjoint. On joue la 60e minute de jeu. Aucune équipe n'a marqué. Mais les amateurs sont sur les rotules. C'est à ce moment que l'entraîneur lensois décide de faire entrer Jichabal. L'attaquant sudiste attend le prochain arrêt de jeu pour reprendre son avant-poste. Il relève son col, remonte ses chaussettes, se recoiffe, se touche la barbe. Un vrai rituel. Le numéro 13 lensois va entrer en jeu. Le match va basculer, c'est sûr. Chapitre 73. Choc des bourrins. Jichabal mesure 1,91 m et pèse 112 kg, mais pas un seul millimètre de graisse. Il est sculpté comme un rugbyman. Il regarde à gauche, à droite, puis tout droit. Il fixe le coéquipier qu'il va remplacer. Dès le passage de témoin, il n'a Dieu que pour une personne, Totov 76. Le joueur de l'Olympique le regarde à peine. Il n'est rien pour lui. Jichabal veut se faire respecter dès le début. Les deux joueurs n'occupent pas la même partie de terrain, leurs oppositions vont être rares. Mais on sent que Jichabal va provoquer la star de la franchise de Voelia. Le ch'ti sudiste provoque le buteur international. Alors que le joueur de l'Olympique a le ballon, il ne voit pas Jichabal arriver dans son dos. Ni une ni deux, un bon coup d'épaule et Totov 76 s'envole. L'arbitre avertit verbalement le lensois, mais celui-ci n'a aucun geste vers l'ancien raid. C'est une façon pour lui de dire qu'il est le patron sur le terrain. Lors du deuxième contact entre les deux poids lourds, Jichabal fait un clin d'œil à Totov 76. Aveuglé après le choc, ce dernier ne capte rien. Nous jouons la 96e minute. Un défenseur lensois comme l'irréparable. Une faute dans la surface sur Totov 76. L'arbitre désigne le point de pénalty. À 4 minutes de la fin du match, ça va coûter cher au sang et or. C'est l'international français qui va tirer ce pénalty. Alors qu'il fait quelques pas en arrière pour prendre son élan, Jichabal passe devant lui et s'arrête. Le Lensois lui lance un regard de tueur, se frotte la barbe et s'en va. Tout-off est effrayé, choqué, déboussolé. Il tremble. Il a plein d'idées qui lui passent par la tête. Il ne sait pas qui est ce J. Chabal, mais il connaît son regard. Trop long pour tirer son pénalty, le Beaucherville est réprimandé par l'arbitre. Tout-off 76 court et frappe son pénalty. Son ballon part trop haut, son pénalty est totalement raté. Le choc psychologique a secoué Tout-off 76. Il demande même à sortir du terrain quelques instants pour reprendre ses esprits. J. Chabal est heureux d'avoir réussi son coup. Tout-off 76 a foiré son pénalty et l'Olympique de Saint-Martin de Beaucherville ne mène pas au score. Les Lensois reprennent espoir et peuvent toujours tenter d'aller chercher la qualification pour la finale de la Coupe de France 2053. Les Artésiens bénéficient d'un bon corner alors que Tout-off 76 rejoint le terrain. J. Chabal s'envole pour reprendre le ballon de la tête, mais est en opposition avec son nouvel ennemi Tout-off 76. C'est le bleu qui l'emporte et réussit à mettre J. Chabal au sol. Le membre de la franchise de Voelia prend le ballon et remonte le terrain. Il adresse un centre pour un de ses coéquipiers qui réussit à faire trembler les filets. C'est un gros coup dur pour Lens. Même si les Lensois ont réalisé un joli parcours, une belle rencontre, et Chabal a impressionné le public. Les réseaux sociaux parient sur le fait qu'on devrait le revoir très bientôt dans le monde professionnel. L'avis du principal intéressé n'a pas dû bouger. Cependant, il refuse toute interview et préfère repartir dans l'anonymat. À la fin de la rencontre, le capitaine olympien a voulu féliciter les amateurs et a voulu adresser un message à son opposant durant ce duel, J. Chabal. La communication est franche, mais peu compréhensible. « J. Chabal, je sais qu'on s'est déjà vu. » Tout-off 76 va pouvoir se reposer afin de préparer au mieux le tournoi Destination qui débute dans 3 semaines. Chapitre 74. Un tournoi important. Alors que la Ligue Iliad a su exploser, l'équipe de France peine à confirmer son statut de grande nation mondiale. Certes, ils font partie du Big 8, car leur Coupe du Monde 2050 fut héroïque, avec une finale à la clé. Mais l'édition 2052 fut moins reluisante. Placés dans la poule chinoise avec l'Australie en invité, ils n'ont terminé que deuxième derrière le géant chinois. La même Chine qui est allée chercher son 3e titre mondial au Stade de France. Malgré cet échec, les Bleus ont impressionné la scène planétaire. Mais quand la France est sur la scène européenne, le constat est moins positif. Le tournoi Destination 2051 a marqué l'entrée de la Belgique avec un match d'ouverture contre les Bleus. Les Diables Rouges ont créé la surprise en battant le finaliste au Mondial 2050. Lors de ces 4 autres matchs, la France n'en a gagné que 2. Au bout, c'est l'Espagne qui a remporté son 3e tournoi Destination, le 2e consécutif. Elle est la nation la plus sacrée dans cette compétition. En revanche, elle n'a pas participé au Mondial depuis belle lurette. L'Espagne et la France sont les deux opposées. Cependant, la France voudra faire taire son manque de réussite en Europe avec ce tournoi Destination. C'est le premier sous l'ère Iliad. Il faut marquer le coup. Mais les derniers matchs internationaux des Bleus sont assez brouillons. Nous sommes très loin du niveau affiché lors du Mondial 2050 ou encore de la victoire record contre Jersey la même année. Le manque de succès des Bleus coïncide plus ou moins avec le départ de Faitsen du monde du football. On se rappelle tous de ce triste 12 juin 2050. Depuis, la France est orpheline et bon nombre de joueurs de football français ont tenté de prendre la tête des Bleus. Le capitaine est désormais Tout-off 76, avec un rôle de leader technique, mais également dans les vestiaires. Son expérience vient aider certains petits nouveaux, tels que Julien 67, mais il sait également parler aux anciens. À l'origine d'une faute tactique en finale du Mondial 2050, qui avait causé la défaite des Bleus, Benoît avait décidé de prendre sa retraite internationale. Brillant avec l'équipe amateur de Saint-Étienne, il a rejoint ces derniers mois la franchise normande de Voelia, l'Olympique Saint-Martin de Beaucherville. Il côtoie donc le capitaine des Bleus tous les jours. Ce dernier a réussi à trouver les mots justes pour faire revenir Benoît en équipe de France. Le grand retour est prévu pour le tournoi Destination. Benoît foulera donc la pelouse verte du Vélodrome Pernod Richard de Marseille pour affronter le Royaume-Uni. Mais Totov 76 a une autre idée en tête. Un deuxième inscrit pour les votes du public. Oui, car le capitaine ne peut pas désigner lui-même qui va être sélectionné ou non. C'est toujours le public qui vote. Le seul pouvoir de Totov 76 est de créer un buzz autour de ses protégés et pousser les votants à leur accorder leur voix. Aujourd'hui, il n'a qu'une obsession, faire venir J. Chabal le Lensois. Il part donc pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie afin de retrouver celui qui lui a mené la vie dure en Coupe de France. La Ligue Iliade prend 2 mois de vacances pour le tournoi Destination. Totov 76 va en profiter pour jouer le négociateur. Chapitre 75. Bienvenue chez les Ch'tis. À une semaine du début du tournoi Destination, Totov 76 veut tout faire pour retrouver ce fameux J. Chabal, celui qui l'a tant malmené il y a 2 week-ends. Le négociateur ne sait pas où il va, il ne sait pas où il doit aller, et surtout, il ne sait pas qui chercher. Sans le nom civil de J. Chabal, il ne peut pas aller très loin. Sa première destination, chercher un supporter de Lens, afin d'en savoir un peu plus sur sa cible. Même si le club lensois est devenu amateur, la fidélité de ce supporter est sans limite. Il suit le club sang et or depuis l'âge de 6 ans, il en a désormais 75. Il a connu des périodes différentes avec son club de cœur. Son premier match, Lens-Slavia Prague, pour le compte des 16e de finale de la Coupe UEFA, en décembre 1995. Puis il a connu le titre de champion de France en 1998, la participation en Ligue des champions l'année suivante, la Coupe de la Ligue 1999, une demi-finale de Coupe UEFA en 2000, la 2e place du championnat en 2002, une nouvelle aventure en C1, avec notamment une histoire contre le Milan AC, mais aussi des épisodes moins glorieux. Il a connu des descentes en club de 2e division, la faillite quasi obligatoire en 2013, évitée in extremis, et cette fête pour la montée en 2014, mais aussi le fiasco azéri. Puis la suite était logique, le RC Lens chutait en même temps que le football en France. Il a lâché un peu son club lorsqu'il est devenu le Louvre FC, en collaboration avec les villes de l'agglomération lensoise. Puis, depuis quelques années, il a redécouvert son Racing, en division amateur, et a vibré lors de la dernière épopée du RCL en Coupe de France. Autre fierté, son fils fait partie de cette équipe et connaît un peu ce fameux J. Chabal. Totov 76 rejoint donc le centre d'entraînement des Sang et Or, le terrain de la Tassette, avec le fils de ce supporter. Ce lieu était le domicile des activités d'avant-match lensois avant l'arrivée, en 2002, du centre technique et sportif de la Gaillette. Avec le retour de l'amateurisme, il a fallu retourner aux bases. La Tassette respire les années club du RC Lens, version 1998. Tout bon supporter se sent chez lui, mais en 2053, on parle d'un temps que les moins de 55 ans ne peuvent pas connaître. Totov est étonné qu'un club amateur fasse autant passionner les supporters. Aujourd'hui, il n'y a pas entraînement. Le joueur professionnel est venu rencontrer le président Lensois afin de parler de J. Chabal. Des gens mal intentionnés ont vu l'ancien joueur des Reds entrer à la Tassette. Ni une ni deux, la rumeur est lancée sur les réseaux sociaux. L'Axérinox Bétikos souhaiterait créer une franchise à Lens. Totov 76 entre dans le bureau du président Lensois. La photo de Gervais Martel est accrochée sur le mur. L'an prochain, il aurait fêté ses 100 ans. Le nouvel homme fort du RCL version 2053 est ferme. Lens est un club, une équipe, aucune individualité ne doit être mise en avant. Avec ou sans J. Chabal, Lens est aussi fort. Le RC Lens reste un club amateur et souhaite de la tranquillité. Il ne lâchera aucune information sur quelconque joueur. Totov 76 lui demande où se trouve J. Chabal. Après une grosse négociation, il a pris connaissance que Gichabal a connu une mutation professionnelle en Belgique. Il est, en parallèle, en train de discuter avec une équipe de Belgique pour s'y engager. Après avoir fait le long voyage de plus de 250 km de Saint-Martin-Beaucherville à Lens, il va prendre la voiture pour faire un trajet d'1 heure pour rejoindre Mouscron dans le plat pays.